Acrobat nocturne, rabat, joint le funambule sur un pont, un pan de mur se file, regarde se fiche, ça murmure et ce murmure reprend vie. Sort une bombe, son gousse, quelques secousses et la brandit. Peintre, porte-parole du peuple, façon Diego Oliveira. C'est plus pareil que demain, la ville se réveillera. Tout le monde restera bouche bée en dépit, langue de bouche bée en képi. La brigade anti-criminalité dépit. On peut prier pour que les lois anti-graf abolissent. Mais qu'est-ce que tu crois, c'est pas dans le rap qu'on a créé, nique la police. Nique la police. Lorsque la nuit recouvre nos villes grises et laides, le béton comme chrysalide, la couleur sort de ces rues vides et raides, mine célèbre. Sur surface lisse et rude, ce mur est une interlude à ta vie triste et aigre. Pose ton blâme sur le wall, la dalle incrustée. Flairant la crayon, les sirènes miaulent la bac insultée. L'art sans chrome comme un DJ capuçon. Comme Paname Syndrome, sous leur capuchon. Faut que les vandales appuient le champ, j'porte les cuissons. 27 000 putains de gueules, nos quartiers nous épluchons. Vandale, porte le smile dans la rue, aérée seule. Les yeux vers le ciel, mais dans l'esprit l'air au sol. Niveau à rehausser, réussi ou réessaye. L'image au sommet, sort de l'aérosol. Vandale, porte le smile dans la rue, aérée seule. Les yeux vers le ciel, mais dans l'esprit l'air au sol. Niveau à rehausser, réussi ou réessaye. L'image au sommet, sort de l'aérosol. Le milieu connaît de fausses notes, mettons-le au diapason. Organisons le réseau. Introduisons le poison, ça t'attaque le zen donc protège tes naseaux. Les frères planent comme l'oiseau, peignent vos cloisons en attendant de les faire tomber. À ceux qui badigeonnent les murs de Babylone, aux gens qui font les trucs récadels croquis. Évite les jeunes, c'est trop quoi, avec je ne sais trop qui, frère. Faut que ce son couleur impure tourne jusqu'à ta ruelle. Ambiance obscure comme un trou de balle en aquarelle. Faut que les murs claquent et que ça cogne aux quatre coins de l'hexagone. Le bon français avec sa conne, outré par le graffiti. Détire les lois de la gravité. Les gars cherchent d'autres potes qui va t'exploser la rétine. C'est de la fiston aussi vrai que ta rechtine. Rien de commercial, qu'on se pique romware et que les commerciales. À ceux qui en guise de main une pompe sont greffés. Les mêmes qui chez l'inspecteur mon cul ont leur blase à graffer. À ceux qui passent leur nuit à graffer. Si pour certains c'est grave, ça va s'aggraver. Vandale, porte le smile dans la rue à aérée seule. Les yeux vers le ciel, mais dans l'esprit l'air au sol. Niveau à rehausser, réussi ou réessaye. L'image au son smelt, sort de l'aérosol. Vandale, porte le smile dans la rue à aérée seule. Les yeux vers le ciel, mais dans l'esprit l'air au sol. Niveau à rehausser, réussi ou réessaye. L'image au son smelt, sort de l'aérosol.